Edith Piaf. A canção como um momento de escape. Um programa de Usni Abdulmananova. Passagère étant couvert, trois pièces cuisine moquette, très bonne affaire. La poitrine sera plus haute au printemps. Mon linge à vraiment la blanche du blanc. Piano est membre, et celle-là l'aimait. Quand elle était jeune et quand elle venait se saouler le dedans de pathétique. En se frottant au piano nostalgique. Edith Piaf é o nome artístico de Edith Giovanna Gassion, cantora e atriz francesa, uma das figuras mais conhecidas do cenário musical deste país. Nasceu no dia 19 de dezembro de 1915, no bairro de Belleville, em Paris, e foi criada na pobreza. Filha de Louis-Alphonse Gassion, um acrobata de rua, e de Annetta Giovanna Maillard, uma cantora de cabaré e artista de circo, a menina teve uma infância difícil e solitária. A mãe, sem meios para a sustentar, deixou-a nos primeiros anos de vida ser criada pela avó materna, mas devido a maus tratos, a menina foi entregue à avó paterna, Léontine Louise Descamps, dona de um bordel em Bernay, na Normandia. Edith ficava com frequência sob o cuidado das prostitutas. Dos 3 aos 7 anos, teve queratite, uma inflamação na córnea que lhe tirou temporariamente a visão. Em 1929, abandonou o bordel e começou a acompanhar o pai nos seus números em circos itinerantes. Edith Gassion começou, nesse período, a construir o seu caminho para a fama. cantava em público com o pai e, aos 15 anos, nas ruas de Paris, com Simone Berthiaud, alcunhada Momone. Com o dinheiro das dádivas, alugou com ela um quarto no Grand Hôtel de Clermont. Au clair de la vie, les mains des amis, les yeux des lendemains. La vie devant nous, l'amour et puis tout, et tout et plus rien. Ils sont tous morts au milieu d'un accord, ils sont morts dans Ravel, dans un drôle d'arc-en-ciel. Un soldat est entré, un soldat est entré. Un piano est mort, et celle-là l'aimait. Quand elle était jeune et quand elle venait se saouler le dedans de pathétique, en se frottant au piano nostalgique. Y a un cœur isolé qui s'avance, qui s'avance. Ces deux cœurs, on dirait deux danseurs d'un ballet qui s'élancent, qui s'élancent. Ils s'approchent, ils s'écartent, ils se croisent, ils repartent et ils dansent. Mais un jour, sur la pointe des pieds apparaît, et glissant comme sur du velours, le plus grand des maîtres de ballet. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Et l'amour réunit les deux cœurs épanouis qui s'élancent, qui s'élancent. Moulinet, battement, pas de deux tout le temps. Comme ils dansent, comme ils dansent. Les sourires et les joies tambourinent chaque fois en cadence, en cadence. Déchaînés, passionnés, martelés, apaisés, ils s'avancent. C'est alors qu'un troisième appareil de même, il s'avance, on l'appelle joli cœur, il sépare les deux cœurs en silence, en silence. Grand écart et défi, volte-face, jalousie qui commence, et puis tout recommence, il y a deux cœurs qui s'élancent dans la danse. Possession et passion, un cœur tué piétiné, et puis tout recommence, il y a deux cœurs qui s'élancent dans la danse. La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bar. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. La java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux. Et les doigts s'égainant de l'artiste, ça lui rentre dans la peau par le bas, pardon. Elle a envie de chanter cette physique. Tout son être étendu, son souffle est suspendu. C'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est triste,

chanson. À Paris, les amants s'aiment pas leur façon. Les refrains que je leur dis, c'est plus beau que les beaux jours. Ça fait des tas de printemps et le printemps fait l'amour. Mon couplet s'est perdu sur les bords d'un jardin. On ne l'a jamais rendu et pourtant je sais bien que les amants de Paris m'ont volé mes chansons. À Paris, les amants ont de drôles de façons. Les amants de Paris se font à Robinson. Quand on marque des points à coups d'accordéon, les amants de Paris vont changer de saison. En traînant par la main mon petit brin de chanson. Il y a plein d'or, plein de lilas et des yeux pour les voir. D'habitude c'est comme ça que commencent les histoires. Les amants de Paris se font à Robinson. À Paris les amants de drôles de façon. J'ai la chaîne d'amour au bout de mes deux mains. Il y a des millions d'amants et je n'ai qu'un refrain. On y voit tout autour les gars du monde entier. Qui donnerait bien le printemps pour venir s'aligner. Pour eux, c'est pas beaucoup tard, mais pour moi demain. J'en ai collé partout dans leur calendrier. Les amants de Paris ont usé mes chansons. À Paris, les amants s'aiment dans leur façon. Donnez-moi des chansons pour qu'on s'aime. À Paris. Je m'en rappelle plus comment qu'on s'était rencontrés. Je ne sais plus si c'est lui qui a parlé le premier. Bien si c'était moi qu'avais fait les avances, ça n'a pas d'importance. Tout ce que je veux me rappeler, c'est lui que mon cœur. Aux 16 anos, apaixonou-se por Louis Dupont. Pouco tempo depois, o rapaz foi viver para o pequeno quarto das duas raparigas. Condenava o estilo de vida da companheira e tentava convencê-la a ter outro tipo de emprego. Em 1933, ela deu à luz uma menina, Marcelle, a qual faleceu vítima de meningite tuberculosa com 2 anos de idade, após os pais já estarem separados. Havia o rumor de que Piaf dormiu com um homem a troco de dinheiro para ajudar a pagar o funeral da criança. Je ne sais pas s'il est riche, s'il a des défauts, mais de l'aimer comme je l'aime, un homme est toujours beau. Et quand on va danser, qu'il pose sur mes hanches ses belles mains si blanches, ça me fait froid dans le dos. C'est lui que mon cœur a choisi, et quand il me tient contre lui, dans ses yeux caressants, je vois le ciel qui pourtant, c'est beau, c'est épatant. Il a pas besoin de parler, il a rien qu'à me regarder. et je suis à sa merci. Je ne peux rien contre lui, car mon cœur l'a choisi. Em 1935, Piaf foi descoberta na zona de Pigalle por Louis Leplay, o proprietário de um clube noturno chamado Le Guerny, frequentado por todas as classes sociais. Foi Leplay quem, devido à sua altura de 1,47m, lhe deu o apelido de La Môme Piaf. Môme designa rapariga ou criança e Piaf é o termo familiar para pardal. A cantora adotou La Môme Piaf como nome artístico. O próprio Leplay instruiu Piaf para que esta se tornasse uma grande figura do cabaré. E assim nasceu uma nova estrela, trajando um vestido negro. Apresentou-a ao diretor artístico da Rádio Cité, Jacques Canetti, e este, em 1936, propõe-lhe a gravação de um disco intitulado Les Mômes de la Cloche, acompanhada no acordeon pelos irmãos Medinger, para a editora Polydor, qual teve um sucesso público e crítico imediato. Contre lui, car mon cœur l'a choisi. Sur le boulevard du crime, pour voir la pantomime, ce soir on se bouscule au théâtre des funambules, les amours de Pierrot. Ça fait pleurer Margot et rire dans la tourmente le Paris de 1830. Masque sans bergamasque pour des danses fantasques et la foule coasse au milieu du carnaval des grimaces. Mais dans la foule qui rit de Pierrot, il y a toujours un arlequin. Dans la vie, faut des arlequins, sans quoi l'amour, ça ne serait que des mots. Aussi lorsque Pierrot sourit, c'est là-haut vers les amants du bas. Du crime pour voir la pantomime. Ce soir on se bouscule au théâtre des funambules, les amours de Pierrot. Ça fait pleurer Margot et rire dans la tourmente le Paris de 1830. Masque sans bergamasque pour des danses fantasques et la foule coasse au milieu du carnaval des grimaces. Mais tous ces gens qui rient de Pierrot ignorent que lui pleure pour de vrai, puisque la femme qu'il aimait est partie ce soir sans un mot. Aussi lorsque Pierrot sourit, tout là-haut pleurent les amants du paradis. Sur le boulevard du crime, pour voir la pantomime, ce soir on se bouscule au théâtre des funambules, les malheurs de Pierrot. Sous les cris, les bravos font rire dans la tourmente le Paris de 1830. Quel talent fantastique, qu'il est drôle et comique. Ça, c'est un vrai Pierrot. Allez, vas-y, refais ton numéro. C'est la rue de la joie, où dans toutes les maisons, sans rime ni raison, l'on chante à pleine voix. Dès le lever du jour, tout le monde est heureux,

Ah oui, parlons-en de la terre. Pour qui elle se prend la terre. Piaf experimentou período de fama durante a ocupação francesa. Apresentou-se em vários clubes noturnos e nos bordéis que floresceram entre 1940 e 1945. Havia bordéis reservados para os oficiais alemães e colaboradores franceses. Foi, por exemplo, convidada para cantar em Berlim sob o patrocínio de militares de alta patente alemães, juntamente com artistas como Lulu Gasté, Raymond Souplex, Vivian Romance e Albert Préjean. Em 1942, Piaf morava num luxuoso apartamento em Paris, perto das instalações da Gestapo. Depois da libertação, Piaf foi considerada uma traidora e colaboradora dos nazis. Porém, o seu secretário André Bigard, membro da Resistência, testemunhou a seu favor. Edith Piaf terá habilmente conquistado a simpatia dos nazis e, ao interpretar em campos de prisioneiros da guerra na Alemanha, teve um papel instrumental no auxílio de algumas invasões. Ça, j'ai beau chercher à la ronde, mon manège à moi c'est toi. Son histoire a commencé par marcher derrière son dos et rentrer dans les cafés en parlant à demi-mot. Et pendant qu'il buvait, son histoire s'en allait en laissant comme pour boire des on dit sur le comptoir. On dit qu'il a, on dit qu'il est, on dit qu'il a fait ceci, a fait cela, et qu'il a dit ça. Les maisons de sa ville ont les yeux de rideau, blanc regard qui le file et se cloue dans son dos. C'est la ronde assassine qui l'étouffe et l'efface, met son cœur en vitrine et son nom sur la glace. On dit qu'il a, on dit qu'il est, on dit qu'il a fait ceci, a fait cela, et qu'il a dit ça. Non, il a dit ça. Oui, il a dit ça. Et le monde l'a couché dans le lit des malfaisants, l'abordé d'un débauché, d'un tricheur impuissant. Son histoire continue à parler dans les rues, lui fabrique une vie qu'on affiche à la mairie. On dit qu'il a, on dit qu'il est, on dit qu'il a fait ceci, a fait cela, et qu'il a dit ça. Un couteau de méfiance est planté parce que on l'achève en silence avec des parce que. En carton qu'on découpe, on le pend sur la place, on le brûle, on le coupe en morceaux de grimaces. On dit qu'il a, on dit qu'il est, on dit qu'il a fait ceci, a fait cela, et qu'il a dit ça. Non, il a dit ça. Oui, il a dit ça. Mais c'est dur à supporter, un salaud préfabriqué qu'on habille de votre peau et qui porte vos chapeaux. Un beau jour, il s'est mis au milieu des on-dit sur la place du marché de sa ville en dimanche. On dit qu'il a, on dit qu'il est, on dit qu'il a fait. Il a crié, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ils ont fait la pirouette et la main dans la main. Leur esprit de girouette a changé de refrain. Ils avaient un coupable, ils en font un mécène. Le voilà formidable, mais les mots sont les mêmes. On dit qu'il a, on dit qu'il est, on dit qu'il a fait. Il a dit ça? Oui, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Oui, il a dit ça. Non. Oui. Non.

matin, le printemps est sorti. Em 1944, apresentava-se no Moulin Rouge, onde o jovem cantor de music hall, Yves Montand, ocupava a primeira parte do seu espetáculo. Com ele viria a ter um caso amoroso. Nesse ano perdeu o pai e no ano seguinte a mãe. Mais ce jour-là, d'un seul coup tout fut repeint en bleu, le ciel et les yeux des amoureux. Du coup pour le pont neuf et la Seine, ce fut l'heure pour eux d'entrer en scène. Sur ce pont nous nous sommes croisés. Et moi ce jour-là, j'allais tout droit, droit devant moi, vers je ne sais quoi, rappelle-moi. Des jonquilles, y en a eu par milliers, on savait où aller les chercher. Estima-se que Piaf tenha tido pelo menos 14 romances ao longo da vida, e estes foram significativos para a construção de sua obra, de forte teor emocional. Conhecida por ser uma mulher de paixões intensas, a maior de todas foi a que teve com o lutador de boxe Marcel Cerdan, que morreu num desastre de avião em 1949, nos Açores. Para além de casos com o ciclista Louis Gérardin, Marlon Brando, Yves Montand, Charles Aznavour ou Georges Moustaki, casou-se duas vezes. O primeiro enlace foi com o cantor Jacques Pils, entre 1952 e 1956. O segundo foi em 1962, com Theo Sarapo, um cabeleireiro grego, que se tornou cantor, 20 anos mais novo e que tinha preferências homossexuais. A ligação durou até a morte de Piaf no ano seguinte. O acidente que vitimou Marcel Cerdan, o homem da sua vida, abalou Edith Piaf, caindo na depressão e na dependência de drogas e de álcool. As suas canções tornaram-se gradualmente sombrias e dramáticas. Quase sem educação formal, como sucedia com as pessoas das classes menos privilegiadas da sociedade na primeira metade do século passado, Piaf conseguiu expressar com habilidade, através de canções, as alegrias e as tristezas da vida e dos amores. Piaf compunha bem quando amava e quando estava no final de um amor, disse Yves Montand. De todas essas relações, as cartas que melhor testemunham a intensidade com que Piaf se envolviam foram as que escreveu a Marcel Cerdan durante cerca de um ano, entre 1948 e 1949, após se conhecerem em Nova Iorque. Je suis à toi, je suis à toi, mais reviens-moi comme autrefois. Je suis à toi. Elle avait l'âme sereine et des anges la candeur. On l'appelait Madeleine, elle avait beaucoup de cœur. Déjà le jour de sa naissance, il pleuvait, le ciel était bas. Elle eut une bien triste enfance, car ses parents ne l'aimaient pas. Elle priait avec innocence, comme ayant l'air de s'excuser. Mon Dieu, pardonnez notre enfance et ceux qui nous ont enfantés. Elle avait l'âme sereine et des anges la candeur. On l'appelait Madeleine, elle avait beaucoup de cœur. En grandissant, cette naïve sentit son cœur grandir aussi. Ce sont des choses qui arrivent, un bon cœur n'est jamais petit. En grandissant, cette naïve connut des tas d'amants. Ce sont des choses qui arrivent quand on a le cœur aussi grand. d'amour, son âme était pleine. Elle était toute candeur, on l'appelait Madeleine. Elle avait beaucoup de cœur, elle était fraîche et docile et ne savait rien refuser. Or elle avait le cœur fragile et le cœur fut à trop aimer. Elle était frêle et si docile et ne vivait que pour l'amour. Or ce grand cœur était fragile, il s'est arrêté pour toujours. Sonne et cloche, ding dong den, lui du ciel, âme les fleurs. Elle est morte, Madeleine, d'une maladie. De Michel Vendôme. Sur une musique de Florence Véran, Margot Cœur Gros. Pour faire pleurer Margot, Margot Cœur Tendre, Margot Cœur Gros, il suffit d'un refrain, air de guitare, fleur d'arlequin. Elle rêve, Margot, gros, pour faire pleurer Margot, Margot chagrin, Margot sanglot. Il lui faut des regrets, de belles âmes contrariées. L'enfant du paradis veut voir Colomb. Je te désire. dessine du bout des doigts ton front, tes yeux, ta bouche. Comment veux-tu dessiner ça? La main me tremble quand j'y touche. T'es beau, mon grand. Et moi, vois-tu, je suis si petite. T'es beau tout le temps. Que ça me grandit quand j'en profite. Reste là, ne bouge pas, laisse-moi t'imaginer. T'as l'air d'être l'été, celui qui pleut jamais. Reste là, bouge pas, laisse-moi quand même t'aimer. Je ne peux même pas penser que je te méritais. T'es beau, tu sais, ça m'impressionne comme les églises. T'es beau, c'est vrai, jusqu'à ta mère qu'on est surprise. Tu me réchauffes et tu m'endors, tu fais soleil, tu fais colline. Viens contre moi, il pleut dehors, mon cœur éclate dans ma poitrine. T'es bon partout, c'est trop facile d'être sincère. T'es beau, c'est tout. T'as pas besoin de la lumière. Il était beau et c'était vrai, mais la gosse ne le voyait pas. Ses yeux perdus à tout jamais, il en pleurait quand il guidait ses pas. T'es beau, tu sais. T'es beau, c'est vrai. T'es beau, tu sais. T'es beau, c'est vrai. Ne me quitte pas, il faut t'oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps de malentendu et le temps perdu, à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois, à coup de pourquoi, le cœur du bonheur. Ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai de perles de pluie venues du pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.

Marcel Cerdan era o melhor pugilista francês, um grande orgulho nacional. Terá sido ele o único homem que Piaf verdadeiramente amou. Os dois formavam o casal de celebridades mais popular de França no final da década de 1940. O caso entre ambos ocupou muitas páginas da imprensa tabloide, cativando melómanos e fãs de boxe. Compraram um pequeno hotel em Paris, provavelmente para começar uma vida juntos. Cerdan era casado e pai de 3 filhos. No auge de seu estado amoroso, Piaf escreveu a música Hymne à l'amour, em setembro de 1949. Depois de uma vida difícil, muitas vezes desesperada, o amor que descreve por Cerdan é envolvente e a sua devoção em protegê-lo e preservá-lo é feroz ao ponto da obsessão. Si un jour la vie t'arrache à moi, si un dia a vida te arrancar de mim, si tu meurs, que tu sois loin de moi, si tu morreres, que fiques longe de mim, peu m'importe si tu m'aimes, pouco me importa se tu me amas, car moi je mourrai aussi, porque eu também morrerei. Escreveu Hymne à l'amour 1 mês antes da morte trágica de Cerdan, uma elegia assustadoramente profética, uma canção de amor incomparável. Ao longo dos anos, Edith Piaf padeceu de dores causadas por artrite reumatoide. Sofreu alguns acidentes graves de automóvel, dos quais advieram problemas acrescidos de saúde e uma tendência para o abuso de álcool e de medicamentos, mormente a morfina. Em 1959, fez uma série de cirurgias por causa de uma úlcera no estômago. Manteve-se profissionalmente ativa até os últimos anos de vida, apresentando-se com frequência em Paris, entre 1955 e 1962. Em 1960, embora já com a intenção de se apresentar, teve uma espécie de ressurgimento com a gravação de composição de Charles Dumont, com letra de Michel Vaucard, Non, je ne regrette rien, a qual se tornou o seu hino. Em abril de 1963, Piaf gravou o seu último tema, L'Homme de Berlin. Les échos du bonheur font un chant triste autant qu'un repentir. Commence avec toi.

sein. Devant cette musique à tout vin, je vois ces choses qu'on ne voit pas. Oh, sûr que vous ne me croirez pas, mais je les vois, mais je les vois. À tout va. Avec Jean-Pierre chantent à leur manière des chansons de la rue. Elle est blonde, aussi blonde qu'un rayon de soleil. Ses boucles vagabondes découpent sur le ciel des auréoles rondes. Et lui, un petit gars de chez nous, c'est tout. Ils n'ont pas 40 ans à eux deux. Vive les amoureux de la rue. Dans la rue, tous les amours chantent, tous les amours chantent, et des chansons de la rue. Par-dessus, le soleil les inonde, et la foule et le monde. Qu'y a-t-il dans la cohue de la rue? C'est Susan qui courait perdue, sans Jean-Pierre est perdue dans la rue. Susan pleure, pleure son amour. Attention, auto, vélo, klaxonne, on sonne, on siffle, on crie, attention, un coup de frein! Dans la rue, tous les amours pleurent, tous les amours pleurent dans la rue. Par-dessus, le soleil et la ronde, la folle ronde. Car la cohue se moque des amoureux qui meurent dans la série de problemas de saúde agravados ao longo dos anos, Edith Piaf morreu de cirrose na sua residência na Riviera Francesa a 11 de outubro de 1963. tinha 47 anos. O arcebispo de Paris recusou os pedidos para uma missa, alegando o estilo de vida pouco religioso de Piaf. No cortejo fúnebre estiveram presentes milhares de devotos. Está sepultada no cemitério Père Lachaise, em Paris, ao lado da sua filha, Marcel. Um filme biográfico sobre Edith Piaf, intitulado La Vie en Rose, realizado por Olivier Dahan, com a atriz francesa Marion Cotillard, no papel de Edith Piaf, estreou em 2007. Esta encarna ardentemente a personagem, tendo ganho um British Academy Film Award e um César do Cinema para melhor papel principal. Ce n'est pas en rêvant au gré des plombants qu'il évoque les terres noisettes. Non, ce n'est pas le chant au bord de l'océan qui lui parle des amours d'antan. Dans un bourgeois du vieux port, il se réfugie et verse sa nostalgie. Além de cantar, Edith Piaf registou os seus pensamentos e percurso biográfico em dois livros, Au Bal de la Chance, publicado em 1958, e Ma Vie, editado postumamente em 1964. A cantora foi tema de várias biografias, de peças de teatro e de filmes. No cinema, participou em 9 películas, das quais se destaca Montmartre sur Seine, realizada por Georges Lacombe em 1941, Neuf Garçons, en Coeur, realizada por Georges Friedland em 1948, Si Versailles m'était conté, realizada por Sacha Guitry em 1954, French Cancan, realizada por Jean Renoir em 1955, e Les Amants de Demain, realizada por Marcel Blisten em 1959. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'appelle, des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, sans mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, yeah. mon ami un clown bien ridicule et dont le nom s'écrit en gifle majuscule. Pas beau pour un empire, plus triste qu'un chapeau. Il boit d'énormes rires et mange des bravos. Pour ton nez qui s'allume, bravo, bravo. Tes cheveux que l'on plume, bravo, bravo. Tu croques des assiettes assis sur un jet d'eau. Tu ranges des paillettes tordues dans un tonneau. Pour ton nez qui s'allume, bravo, bravo. Tes cheveux que l'on plume, bravo, bravo. Aux grandes mains s'accroche à ses oreilles, lui vole ses chagrins et vide ses bouteilles. Son cœur qui se dévisse ne peut les attrister. C'est là qu'ils applaudissent la vie qu'il a ratée. Pour ta femme infidèle, bravo, bravo. Et tu fais la vaisselle, bravo, bravo. Ta vie est un reproche qui claque dans ton dos. Ton fils te fait les poches et toi tu fais l'idiot. Pour ta femme infidèle, bravo, bravo. Et tu fais la vaisselle, bravo. Le cirque est déserté, le rire est inutile. Mon clown est enfermé dans un certain asile. Succès de camisole, bravo de cabanon. Des mains devenues folles lui battent leur chanson. Je suis roi et je règne, bravo, bravo. J'ai des rires qui saignent, bravo, bravo. Venez que l'on m'acclame, j'ai fait mon numéro, tout en jetant ma femme du haut du chapiteau. Bravo, bravo, j'avais encore mes jouets. Mais un jour dans la rue, en sortant de l'école, je vois un inconnu qui a mes pas se colle. Un monsieur me suit dans la rue. J'en avais rêvé bien souvent, et je suis d'avance tout ému. Qu'est-ce qui va se passer maintenant quand on m'a suivi dans la rue? Je pensais que ce serait épatant. Quand on m'a suivi dans la rue, ce n'était qu'un vieux dégoûtant. Le cœur a ses mystères, je suis prise de passion pour un homme, un gangster, qu'a de la conversation. Et quand je vais chez lui, il faut faire attention. Je sais qu'on le poursuit brillant. Pourvu qu'on n'ait pas reconnu, j'ai peur que ce soit des agents. J'enfile des rues et des rues. Mon Dieu, ça devient effrayant. On me suit toujours dans la rue, dans la rue. Este programa teve locução de Usnia Dumananova e João Soares Santos. Je suis tombée malade dans un grand lit blanc. Le cœur en marmelade, mon pauvre front brûlant. Un prêtre me demande, voulez-vous le bon Dieu? Moi je préfère attendre des fois que j'irai mieux. Voilà qu'on me suit dans la rue. Les hommes saluent des et pour moi, je l'aurais jamais cru que les femmes se signent en passant. Quand je passe à travers les rues, j'arrête la vie et le realização de Usnia Dumananova.